La souris. Belle journée, souris du temps. Vous rongez peu à peu ma vie. Dieu, je vais avoir 28 ans et mal vécu, à mon envie.